108e leçon. Le quartier. L'appartement de Jean-Michel et Claude se trouve dans le 14e arrondissement, près du parc Montsouris. C'est un quartier résidentiel, mais comme certains quartiers de Paris, il ressemble à un petit village. Depuis une vingtaine d'années, les grandes surfaces se sont multipliées en France et maintenant, beaucoup de gens y font leurs courses. Mais dans chaque ville, il y a un marché au moins une fois par semaine. Et à Paris, il y en a même une dizaine. Nos amis habitent une petite rue tranquille, loin des grands axes qui mènent aux boulevards périphériques. Le déménagement s'est bien passé. Les meubles sont arrivés en bon état et le couple s'est installé rapidement. Claude s'est occupé de toutes les formalités, comme le changement d'adresse et l'immatriculation de la voiture. Et très vite, ils sont devenus de vrais Parisiens. Nous avons nos cartes orange et nous sommes immatriculés dans le 75. Mais la Bretagne me manque beaucoup. C'est dimanche et Jean-Michel et Claude décident d'aller faire leur marché et de se balader dans leur quartier. Donnez-moi un kilo de pommes de terre, une livre de carottes et une demi-livre de champignons, s'il vous plaît. Et avec ça? Une botte de radis, un filet d'oignon et une barquette de fraises. Ça sera tout. Après avoir fait les courses et mangé un croque-monsieur dans un bistrot près du marché, ils partent à la découverte du 14e. Tout près du réservoir, ils découvrent une charmante impasse avec des maisons très originales. D'après le guide, c'est la Villa Seurat. Il y a plein de gens célèbres qui y ont vécu. Très joli. Mais il est temps de rentrer. Demain, c'est mon premier jour de travail. Exercice. Y a-t-il un marché? Il y en a même une dizaine. J'y fais mes courses au moins deux fois par semaine. Tout s'est bien passé? Très bien, merci. Le repas était fameux. Paris me manque beaucoup. D'après eux, c'est une rue où plein de gens célèbres ont vécu.